Tu vas prendre cher, salope. Salope. Salope. Salope. Salope. Salope. Yo, DJ, spin the record. Stop, stop, stop. C'est ma gauche, j'suis pas là, archi bonne. Prends-la, j'en veux pas, archi conne. Mais elle ne le voit pas, elle a deux ailes. La sortie, c'est par là. Ton tel sol, c'est ma gauche, j'suis pas là, archi bonne. Prends-la, j'en veux pas, archi conne. Mais elle ne le voit pas, elle a deux ailes. La sortie, c'est par là. Les meufs sont des folles, veulent contaminer ton existence. Cracher par terre, ma gueule, t'es pas excitant. Elles aiment pas la romance, donc excite les danses. Elles t'analysent sous ton calcif ce que tu penses. Petit cul en boulet, je crois que tu relancé. Petit problème, elle aime pas les romanciers. Avec toi, elle aime se la raconter. T'appeler doudou comme si t'étais un petit pété. Les meufs te veulent fidèles, même faut que la âme organe. J't'ai brisé le cœur, SOS, don d'organe. SM Secret Story, les newsletters. Mais pourtant, elles ne veulent pas de skater. Elles crient fuck l'amour, donc fuck les putes. Le sexe et leur drogue appellent le trafic des stupes. Ça y est, la miss. J't'ai anticipé, dans un mois tu me parleras, perds ta virginité. Ton tel sol, c'est ma gauche, j'suis pas là, archi bonne. Prends-la, j'en veux pas, archi conne. Mais elle ne le voit pas, elle a deux ailes. Sortie, c'est par là. Ton tel sol, c'est ma gauche, j'suis pas là, archi bonne. Prends-la, j'en veux pas, archi conne. Mais elle ne le voit pas, elle a deux ailes. Sortie, c'est par là. Elle fait la bombe, pou Dieu, ce que t'es affreuse. T'es une pute chérie, mais t'es juste une crasseuse. J'en lâche une particulière. Pour les meufs à franche, les meufs sont des diables, donc qui est un ange. Tu veux la chérie, la traite pas de sale catin. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne toute nue dans la salle de bain. Y'a celle qui t'éront palper tes thunes. Gardez la pêche, donc je te prends pour une prune. Y'aura tes ex qui géreront un de tes potes. Tout ça pour essayer d'essayer de rayer la cote. Y'aura celles qui font des jazz dans les ruelles. Les meufs sont des putes, donc c'est vrai, vous êtes des jumelles. Car elle est belle, hein, sous le mascara. Je te regarde, non, non, non, non, non, non, non, non. L'enlève pas, laisse béton. Quand elles sont amoureuses, elles disent même à leur chien qu'elles sont heureuses. Ton tel sol, c'est ma gauche, j'suis pas là, archi bonne. Prends-la, j'en veux pas, archi conne. Mais elle ne le voit pas, elle a deux ailes. Sortie, c'est par là. Ton tel sol, c'est ma gauche, j'suis pas là, archi bonne. Prends-la, j'en veux pas, archi conne. Mais elle ne le voit pas, elle a deux ailes. Sortie, c'est par là. Ha ha ha ha ha!